infantile. C'est une époque que les souvenirs de nos jeux amoureux, que ta peau a marqué mon âme qui choque, qu'est de plonger dans un brasier langoureux. Ton corps évoque tous les bonheurs et la beauté de Dieu, que ton regard rend fort comme un roc, et que les anges envient le sourire de tes yeux. Arrête de penser dans les vitrines de ces rues de sens.